Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Maus, le chef-d'œuvre d'Art Spiegelman. Quand Maus est sorti en Allemagne, un des premiers journalistes qui m'ont interviewé m'a dit « Vous ne trouvez pas de mauvais goût de faire une BD sur l'Holocauste ?» Je lui ai répondu « À vrai dire, j'ai plutôt tendance à trouver l'Holocauste de mauvais goût. » Extrait du court-métrage « Comment devient-on Art Spiegelman » réalisé par Pierre-Olivier François en 2008. Fallait quand même y penser et oser le faire, raconter l'histoire de la Shoah dans une bande dessinée où les Juifs sont représentés en souris, les nazis en chat et les Polonais en cochon. Et ça marche. En fait, Maus est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre du 9e art et Art Spiegelman est devenu, avec Maus, le premier auteur de bande dessinée à recevoir un prix Pulitzer. C'était en 1992. Il ne faut pas s'y tromper. Maus 2 d'Art Spiegelman, publié chez Flammarion, n'a rien d'une bande dessinée comme les autres. C'est une réflexion par l'image, autobiographique et profonde, à propos de la condition juive pendant et après l'Holocauste, dont certains accents rappellent les films de Woody Allen. Les Juifs y sont représentés comme des souris, les nazis comme des chats. Art Spiegelman vit à New York avec son épouse française. Son père, Vladek, et sa mère, Anja, juif polonais, ont été déportés à Auschwitz. Elle tenait un journal que son mari a malencontreusement brûlé, puis elle s'est suicidée. Leur fils s'efforce de pénétrer l'indicible réalité des camps et pour cela questionne son père. Le livre est un aller-retour entre 1942 et aujourd'hui, entre Auschwitz et New York. On ne peut imaginer meilleure leçon d'histoire que ce livre, profond et drôle, intelligent et pathétique. Le père, par exemple, n'est pas tout d'une pièce. La déportation a fait de lui un avare et un manipulateur. Le fils est habité par la mauvaise conscience et la volonté de rendre compte. Maus 2 devrait être étudié dans les écoles. Il participe de ce devoir qui nous incombe à tous, ne pas oublier. C'est la capsule d'Olivier Barreau, Un livre un jour, consacré à Maus et diffusé en 1993, que vous venez d'entendre. Pour nous parler de ce chef-d'œuvre d'Art Spiegelman, je reçois Richard Boivin. Il a été professeur de cinéma, de littérature, de bande dessinée pendant 30 ans au cégep de Chicoutimi. Richard Boivin, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Maus, évidemment, puis on en a déjà une petite idée avec ce qu'on vient d'entendre, c'est pas une BD comme les autres. Quelle place occupe cette bande dessinée dans l'histoire, justement, de la BD? J'entendais dans les commentaires au tout début, on demandait, c'est pas étrange qu'on fasse des comic books sur l'Holocauste. En fait, il y a un problème, c'est que c'est pas comique du tout. Hein. Il a créé pratiquement un genre en soi, puisque c'est extrêmement dramatique. C'est un récit qui est raconté avec beaucoup de pudeur, sans complaisance. C'est aussi beaucoup sur la transmission, la relation père-fils. Lui tenait absolument à raconter l'histoire de son père. Il est arrivé à un niveau de rédaction et il a créé un propre genre, ce qu'on a appelé le roman graphique. Oui. C'est avec cette œuvre-là que l'expression roman graphique est arrivée, parce qu'on ne savait pas où le classer dans les bibliothèques au moment où le premier tome est sorti. Et donc, il a complètement révolutionné à la fois le récit sur l'Holocauste et en même temps sur la bande dessinée, oui, en tant que telle. Le choix du sujet, la façon dont il travaille, dont il présente son sujet également, ça fait partie, là, l'utilisation, je le disais d'entrée de jeu, des animaux pour raconter ce récit de la Shoah, ça fait partie de ce qui rend Maus particulier dans l'univers de la BD. On y reviendra dans un instant à tout ça, Richard Boivin, mais un petit mot quand même avant d'aller plus loin sur Spiegelman lui-même. Qui est-il et où se situe-t-il, où en est-il dans sa carrière au moment où il publie Maus? Spiegelman, il est né en Suède, il est né à Stockholm, en fait, au moment où ses parents sont sortis de la Pologne après les camps. Donc, il est né là et ses parents ont immigré aux États-Unis quelques années après, il était enfant. Il s'est intéressé très rapidement au dessin, il a fait des études en art et en philosophie. Et très rapidement, il a commencé à dessiner assez pour qu'en 1975, il initie sa propre revue revue Arcade qui va tenir pendant un an et demi. Il est catalogué immédiatement dans la BD de cette époque avec des dessinateurs comme Robert Crumb. Donc, on est dans le courant underground de la bande dessinée américaine. Et il est très campé dans son époque. Sex, rock and rock and roll. C'est vraiment tout à fait bien ancré dans ce courant. Il va se promener de la côte est à la côte ouest. Il va prendre beaucoup des influences, rencontrer beaucoup de gens, fumer beaucoup probablement également. Donc, à un certain moment donné, il va quitter cette esthétique hippie pour plus s'intéresser à des notions d'histoire de l'art. Il va se brancher, par exemple, sur l'expressionnisme allemand, le cubisme. Mmh. Il va aussi beaucoup s'intéresser à l'histoire de la bande dessinée américaine, notamment, et beaucoup jouer là-dessus, faire de la BD sur la BD, faire intervenir de vieux personnages, tout ça dans une forme totalement éclatée. Bon, il arrive qu'il y ait des alignements de cases, mais des fois, les cases se décrochent, perdent un certain sens, les couleurs sont extrêmement vives, ou encore, il va se limiter à faire en expressionnisme allemand, par exemple, en des noirs et blancs très, très déchirés. Ouais. Donc, il va beaucoup dans tous les sens. Il va publier dans des revues qu'il crée, qui vont s'éteindre, il va en repartir une autre. Il va donc, à un moment donné, publier un album qui s'appelle Breakdowns, qui va reprendre ses œuvres principales qu'il a publiées dans ses revues. Et ça sera un point d'allumage, en fait, Breakdown. Il y a comme 3 ou 4 pages, vous me corrigerez, dans cet album-là, qui seront le point de départ, puis on pourra y revenir, mais le point de départ de Mars, en fait. Oui, tout à fait. En fait, l'album commence avec 3 ou 4 pages d'un père qui raconte à son fils, dans son lit, qu'il a été prisonnier dans les camps et l'opposition, les personnages sont déjà en souris et en chat là, à ce moment-là. Ouais. Donc, les Allemands sont déjà en chat. Et à la toute fin de ces pages-là, il dit « Ils nous ont amenés à Auschwitz ». Ah oui, bon ben voilà, puis c'est vraiment l'étincelle. On est en 78 là, à ce moment-là. Ouais. Puis ça va donner 2 tomes, le premier qui parle en gros de la vie en temps de guerre, puis c'est Vladek, son père, qui lui raconte ses souvenirs de l'époque, et puis le deuxième tome qui nous amène vraiment dans les camps, la vie dans les camps. C'est plus, cela dit, Mars, qu'un simple récit historique, Charles Bovin, c'est aussi beaucoup justement le portrait de son père, d'un homme, Vladek, qui accepte donc de raconter à son fils, Art Spiegelman, les grandes lignes de sa vie, sa jeunesse, sa déportation, sa vie dans les camps. On écoute Art Spiegelman parler de ça. Vous entendrez aussi à la fin de cet extrait l'un des enregistrements qu'a réalisé Spiegelman avec son père Vladek. Vladek était un excellent conteur. Et contrairement à certains survivants, il n'a pas hésité à raconter ce qu'il avait vécu, malgré le fait qu'il ne ressentait pas le besoin d'en témoigner. Tout ce qu'il fallait, c'était que son fils soit dans les parages avec un microphone quand ça se produisait. Il était fier que je sois là pour l'écouter et il avait envie de m'en parler. La mémoire des gens n'est pas chronologique, alors son propos pouvait passer de 1933 à 1957, faire un détour par 1978 pour ensuite revenir à 1942. Parfois, obtenir une histoire complète de Vladek était comme jouer au pinball, en essayant d'amener la conversation dans une direction plutôt qu'une autre. Et c'est ce qu'il fallait que je fasse. That was our basic decision in making Mars. But after 3 days, they took us out from prison. Everybody had to go to Auschwitz. Après 3 jours, ils ont sorti de la prison tous ceux qui devaient aller à Auschwitz. Dehors, il y avait un autobus sans fenêtre qui nous attendait. À l'intérieur, nous avons réussi à ouvrir 2 fenêtres minuscules. Tout le monde était mélangé dans cet autobus, les hommes, les femmes, tout le monde. Nous savions que nous allions vers Auschwitz. Nous savions que nous n'allions pas revenir, que nous allions être gazés et brûlés. But we knew that we'll go there and we'll not come out anymore. This we knew that we'll gas us and burn us and all. Did you know about the showers? Vous étiez au courant pour les douches? Oui, bien sûr. La guerre avait débuté en 1939 et nous étions en 1943. Nous savions tout ce qui se passait. Jusqu'en 1943, j'ai été forcé de me cacher. Après, j'ai été envoyé à Auschwitz. Art Spiegelman et son père Vladek, dans un extrait tiré du coffret Metamars qui a été lancé au début des années 2000 de mémoire. Je le disais il y a un instant, puis on en a une bonne idée, un bon aperçu dans ce qu'on vient d'entendre, Richard Boivin, le génie, au-delà de la forme sur laquelle on va revenir dans un instant, le génie de Maus, c'est que c'est à la fois le récit historique de cette affaire, quand même importante, qui s'appelle la Shoah, et le portrait d'un homme, Vladek, le père de Spiegelman. Oui, qui a eu un destin vraiment renversant. Il a été, bon, excusez-moi le terme, il a été tout de même chanceux parce qu'il a réussi à se tirer d'affaire parce qu'il était très habile. Il s'est fait passer pour zinqueur, donc c'est-à-dire travailler le zinc, le métal sur les camps. Il est devenu à un moment donné cordonnier. Il a appris l'anglais à un des capots, ce qui lui a permis d'être un peu protégé. Donc il a réussi à se faufiler malgré tout ça. Pour s'en sortir vivant malgré tout. Oui. Donc, c'est vraiment un destin très, très, très difficile. Et on le voit au fil des pages. Oui, oui, tout à fait. Et la magie de cette histoire, en même temps, c'est la relation père-fils qui est extrêmement intéressante. On voit le père qui traverse ces étapes de jeune homme, c'est-à-dire des moments extrêmement difficiles, et on voit le fils avec son père qui a vieilli, il tient absolument à retenir son témoignage et à en faire quelque chose, mais en même temps, il est insupportable. Ça donne des fois des scènes qui sont assez drôles, franchement. Ouais. Et ça crée justement une partie de la magie de ce bouquin. Revenons sur la pulsion. On l'a dit, c'est ces quelques pages dans Breakdown qui donnent à Spiegelman l'idée d'écrire une œuvre entière sur la vie de son père, sur la vie dans les camps, sur la vie en temps de guerre. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas, je vais faire de la psychologie à 5 sous, mais je suis curieux de vous entendre un petit peu, une espèce de sentiment de culpabilité, lui qui n'a pas vécu ces événements horribles que son père a vécu. C'est quoi l'étincelle, justement, la pulsion? Ouais, je crois que tous les Juifs doivent être pris avec ce poids qui les pèse depuis ce temps-là. Même s'ils n'ont pas vécu ce que leurs parents ont vécu, ils sont pris avec ces souvenirs qui ne leur appartiennent pas. Et c'est vraiment... Il y a un passage où il en parle à son psychanalyste, justement, de cet aspect-là, le fait que il aurait à la fois aimé vivre ça, mais on peut pas aimer vivre quelque chose d'aussi atroce. Puis il y a vraiment le sentiment de culpabilité immense autour de ça. Et ça fait aussi partie de la magie de cette écriture, c'est toute la réflexion que le fils a. Et nous fait participer en tant que lecteur à sa réflexion sur son acte de création en même temps. Oui. Il y a vraiment quelque chose on assiste à la création de ce qu'il est en train de dessiner, à toute son interrogation, à toutes vraiment les questions qu'il se pose, comment il doit se comporter à la fois avec son père, mais comment il doit transmettre ce que son père lui raconte une œuvre en BD. Puis on le voit travailler. C'est un peu, passez-moi l'expression en anglaise, mais c'est un peu, le Maus, c'est un peu le making-of de Maus en même temps. La forme, parlons-en plus longuement, cette idée qu'il a, je ne sais pas comment il l'a d'ailleurs, d'utiliser des animaux, c'est pas rien quand même, pour représenter les principaux protagonistes de la Shoah. Comment il arrive à penser à ça, Richard Boivin? Ben évidemment, l'image du rat a été imposée par les nazis eux-mêmes qui ont qualifié les Juifs de rats au départ. Et c'est ça qui va, motiver le choix de cet animal pour incarner les Juifs. Il y avait vraiment de la propagande nazie à cet effet, en faisant la comparaison de l'un à l'autre. Donc, moi, je pense qu'il a simplement trouvé ce filon et il est entré là-dedans. Dans une idée qu'il a eue, on le disait tout à l'heure, au début des années 70, puis l'idée a dû prendre place dans son cerveau pour arriver à raconter cette histoire-là. Bon, côté forme, c'est quand même un bouquin qui est en deux parties, on l'a dit, qui est paru en feuilleton dans la revue Raw, de mois en mois. Et ça a commencé au début des années 80. En 86, il y avait de quoi faire le premier tome. Ça a été assez compliqué de trouver un éditeur pour ce bouquin qui était un peu hors norme. Un petit bouquin qui est à peu près, je dirais, de 6 pouces par 8 pouces, vous transférez en centimètres. Oui. les cases assez petites, souvent il y a 4 bandes de 2 cases, on y va de manière assez régulière. Bon, il y a quelques variations en cours de route. Le dessin est plutôt griffonné, mais en même temps assez précis. C'est-à-dire, on voit la souris, elle est très bien dessinée, elle se détache très bien dans le dessin. Et il y a beaucoup de dialogues surtout. Exact. Ouais, mais d'où le roman graphique, voilà. Là, il est tout à fait justifié à ce moment-là. On lit Maus, ouais. Surtout. Noir et blanc, évidemment. Oui. Vous parliez de l'expressionnisme. On peut dire que c'est pas ça, mais il y a un petit peu quand même cette empreinte-là. Une influence, oui. Comment il est accueilli? Parce qu'encore une fois, ça sort des sentiers battus, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est accueilli Maus au moment de sa publication? Très, très, très, très bien. Il y a un engouement complètement fou dans les librairies. D'ailleurs, ça pose un problème. On ne sait pas si on va classer le livre du côté des bandes dessinées ou du côté des romans. Ils ont inventé le terme roman graphique pour se démêler là-dedans. Et très rapidement, on atteint des sommets de vente extrêmement importants. Je crois que l'année d'après, ils vont remporter le prix de la bande dessinée à Angoulême, en France, au Festival international de la bande dessinée, juste pour le premier tome. Oui. Donc, c'est une réception là, qui est très, très importante. Il reçoit des offres immédiatement, d'ailleurs, pour une adaptation, probablement, disons, mettons au cinéma, en animation, qu'il a toujours refusé, qu'il refuse encore. Bon. Cela dit, il y a... Puis on revient au tout premier extrait qu'on entendait. Spiegelman qui racontait qu'on lui a reproché d'utiliser la bande dessinée pour traiter d'un sujet comme celui-là. Il y a des voix qui seront critiques à l'endroit de Maus et de Spiegelman. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bien, on lui reproche de faire des petits bonhommes pour parler de quelque chose d'aussi grave que ça. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que ça peut être mal interprété. Pourtant, on lui reproche de déshumaniser les protagonistes. Ouais. Et que ça perpétue l'imagerie véhiculée par l'idéologie nazie. Évidemment, le fait qu'il représente des Polonais par des cochons, ça a assez mal passé également. En Pologne, j'imagine. En Pologne, ils n'ont pas beaucoup aimé ça, ouais. Notamment. Donc, en gros, ce sont les critiques qu'on lui fait. Ouais. Mais dans la balance, ça a quand même très peu de poids parce que l'œuvre, au moment même à la sortie du deuxième tome, le succès ne se démentira pas. Très rapidement, d'ailleurs, l'édition va réunir les deux parties en un seul volume et ça va s'envoler. Il va remporter, à la sortie du deuxième tome, il va remporter encore le prix de la bande dessinée à Angoulême pour le deuxième tome. Puis éventuellement, l'œuvre sera récompensée par le prix Pulitzer un peu plus tard. Donc, c'est dire à quel point l'œuvre a été bien reçue. Ouais. En Allemagne, c'est reçu comment? C'est très bien reçu en Allemagne, en fait. Même le livre est mis à l'étude à l'école pour les tout jeunes, genre niveau secondaire, pour vous dire à quel point. Ça a été un peu complexe pour l'édition, cependant, parce que la couverture propose une souris nazie avec la croix gammée sur le dessus. Or, en Allemagne, c'est défendu d'utiliser la croix gammée sur des publications. Donc, il a dû obtenir une permission spéciale du ministère de la Culture pour pouvoir conserver sa croix gammée sur la couverture du livre, pour vous dire à quel point l'œuvre est aussi prestigieuse et importante pour qu'on fasse ces compromis-là. On termine sur l'impact formidable qu'a eu cette œuvre-là. Maus va se retrouver au musée, dans plusieurs musées du monde, dans plusieurs musées, dont entre autres le musée de Beaubourg à Paris. Dans l'approche de l'Expo, toujours, on a essayé de montrer tous les travaux préparatoires qu'il y a derrière, que c'est important dans l'œuvre d'Art Spiegelman, c'est fondamental. Donc, cet côté de dessin final et des esquisses, parce que pour arriver à un dessin final, il peut faire des centaines et des centaines d'esquisses avant. La pierre angulaire de Maus, ce sont les enregistrements qu'Art Spiegelman a réalisés avec son père, entendant, écoutant son récit, accueillant son récit aussi, hein, de la déportation de ses parents dans les camps, de leur survie également. Et donc nous aurons l'occasion ici à la fois de voir les différentes planches de ce travail, de pouvoir voir les multiples versions d'une œuvre qui se construit. Et donc on va avoir la chance de voir les esquisses, les ébauches, le travail toujours recommencé pour arriver à une construction parfaite de cette histoire personnelle, de cette scénarisation en fait du réel. Extrait d'un reportage de Mediapart au moment de la présentation de cette exposition consacrée à Art Spiegelman au Centre Georges Pompidou, justement, à Paris en 2012. Vous avez entendu dans cet extrait Rina Zavagli-Matotti de la Galerie Martel et Emmanuel Payen du Centre Georges Pompidou. On le disait, Richard Bovin, d'autres expositions lui seront consacrées, le Pulitzer dont vous avez parlé. Que dire, pour terminer cette émission, de l'impact plus durable, de ce que ça veut dire, Maus, dans l'imaginaire collectif occidental? C'était une façon de raconter cette histoire de manière tellement originale, de tellement touchante également, que ça propulse cette œuvre-là au rang des grandes œuvres littéraires qui sont reconnues universellement aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Ça a laissé sa marque. L'ouvrage a tellement de notoriété qu'il y a des tas d'universitaires qui vont faire des thèses là-dessus sous l'angle de l'histoire de la Shoah, des procédés cinématographiques, de style littéraire, de la psychologie, des études sociales. Je veux dire, c'est vraiment un impact énorme. Et en même temps, je m'adresse à ceux et celles qui n'ont jamais tenu un livre de BD entre les mains. Je vous recommande très, très, très, très chaudement la lecture de cette œuvre-là qui se distancie totalement de ce que vous pourriez concevoir comme œuvre de BD. Ce n'en est pas. Ce n'est pas que ça. Ouais. C'est un univers absolument fascinant et très, très touchant. Richard Boivin, c'était fascinant et à certains égards touchant de vous entendre aujourd'hui, ancien professeur de cinéma, de littérature et de BD au Cégep de Chicoutimi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.